100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool. Bonne soirée, bienvenue à vous tous. Les messages, on les attend avec le hashtag Skyrock. Hashtag la nocturne, évidemment, du SCH qui est invité. Belle semaine, hein. Franchement, SCH à 7. On va débuter avec Champs-Elysées sur Skyrock. On passera aussi du Lacrim, puisque c'est Lacrim qui nous a permis aussi de découvrir SCH. On mettra le morceau Petit Jaloux avec Maître Gims. Et je vous ai promis aussi des exclus. Kylie, à qui on fait une grosse dédicace. Et Monsieur Leslie Jah, l'album. Moi j'aime bien Leslie Jah, rappeur nordiste, mais pas que pour le Nord, pour tout le monde. Il a fait un gros morceau avec plein d'artistes, je vous les présenterai aussi au fur et à mesure. Ce sera dans 2-3 morceaux, on pourra découvrir ce titre qui s'appelle Vegas en exclu dans la nocturne. 100% rap français, sinon il y aura aussi du Rimka qui vient dès la semaine prochaine au Planète Rap, du Ice LMC, du Jul, il y aura du Jarod. Du Kerry James, gros morceau de Kerry James aussi, qui a été balancé, le clip a été balancé ce soir, du Alpha One. Bref, vous êtes prêts? Coup d'envoi de la nocturne, 100% rap français. Planète Rap. 100% rap français. SCH, A7, Champs-Elysées, pour ceux qui paradent en caisse là. Mettez fort, c'est parti. Quoi? AWR Mafia, man. A7. Ah ouais. Hey, les petits sont mûrs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire. Assis sur un mur, vois l'avenir. Bloqué dans l'obscur, heureux dans la mire. Je suis pâle, bénévole. À l'instar des autres, je suis sur le toit. T'es en quête du love, je suis en guerre. J'appuie, pay bitch, crame. Chacune son coup. Deux putes dans le même nid. Le M en a les mêmes goûts. Genre de route. Un bon siège cuir paquet. Un fer couleur nacré, hey, la oui, la oui. La main sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué, c'est pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, pas loué. Fais sur les champs, pas loué. Sur les champs, c'est pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué. À partir les champs, je l'ai pas loué. Je suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode. Mensonge partout, ouais. Je suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leur pigment. Hein? Fuck le monde des mondes, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en gamme sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, c'est pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, c'est la loué. C'est fait sur les champs, pas loué. Sur les champs, c'est pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Qu'un doigt pour mes haters, jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies, moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruine du frais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, j'te paye après. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille, baby. Tu sais que je sais. Appelle-moi plus tard, là je suis en. La main sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, c'est la loué. C'est fait sur les champs, pas loué. Sur les champs, c'est pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs. Elle est déjà mouillée. SCH, c'est la nocturne 100% rap français à 7. C'est Champs-Elysées. La nocturne. La crime, ça va la crime? On pense à toi comme d'hab. Maître Gims. Petit jaloux.

Une bécane, un brolique, une vengeance est faite sans se soucier du malheur qu'elle cause. Demande aux malades, aux drogués, aux dealers de chez moi quelle est la valeur d'une dose. Nous ne sommes pas du genre à parler pour rien, avoir des dettes au point qu'il en pleuve. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. Nous sommes le genre de personnes qui sont rémunérées pour foutre leur putain de yap en club. Je suis mon meilleur sauce, je compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Motherfuck in your face. Trop de bails qui nous stressent. 7-5 boys, que le sexe c'est un bol. Bouge à 4 ou 5 dans une caisse. Choisis bien ta meuf ou ses frères te balafent. Trêve de palabre, on est la crème de Paname. Là où la mauvaise graine traîne et applique la règle de Calab. Si le trait se balade, qui a fixé les ordres et matrixé les hommes. Tu cherches un flingue, va en Afrique, c'est les soldes. On fume des trucs qui font quitter les sols. Fais tirer flingue S comme un Smith et Wesson. Je fais mes propres cascades comme Jackie Chan. Elles veulent aguicher quand j'ai acquis le chèque. Surpasse les si on a qui tienne. Si on a qui tienne, papi. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. On est l'université, une étoile. Tout le monde fait la même taille, vue des toits. Je suis mon meilleur sauce, compte que sur mes doigts. Y'a que ma monnaie qui assure mes droits. Alpha One. On est l'université, une étoile. Lunettes noires dans la nocturne, 100% rap français. Envoyez les messages 41759, le hashtag Skyrock. Locataire, on fait les bails. Ça arrive direct dans le studio. Avec la précision d'un Jarod aussi arrive. La maille dans l'esprit, l'esprit dans la maille. On fait violet sur les lunettes noires. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Dream State killing them. 75. Tu connais les bails, ma salope. On est jamais de bails, ma salope. Je rime dans les temps, Zulu casse ta gueule. D'ici dénominer le mal, ça devient important. J'ai des années dans l'illégal. T'es toujours absent, le monde est paumé infernal. C'en est indécent, sale balance. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de failles, ma gueule. Sous la roue, dans le bas, tu faisais le Zulu, mon ami, t'es mort. Tu vas devoir changer de secteur. Les balances dansent dans les buckly. Tu faisais la même chez l'OPJ. Ne me serre pas la main, je suis ton ennemi. Tu sors une arme, tu nous plagies. Bah oui, je relève le compteur, y'a les droits d'auteur. Je suis plus qu'un rappeur, plus qu'un acteur. Ils sucent des pointeurs tant qu'ils voient leur peur. La mif me rassure, les potes me font peur. J'aimerais arpenter le passé à la McFly. J'irai rechercher les gens qui m'ont fait du sale. J'ai donné le respect, ils y ont fait une entaille. Attaille, racaille, c'est des vampires en voie de l'ail. Tout baigne, j'tourne la night dans la ville Bruce Wayne. J'fais une lettre et j'excite tout le game. Issus en major et viennent m'en parler, la bouche pleine de sperme. Tu te sens visé Zulu, viens me voir. J'vais t'expliquer qui t'a en face. J'suis jamais en Gucci ou Versace. Faut que j'puisse mettre tes mains dans la glace. Des thunes j'en avais avant le rap. J'suis du vin moins un chez nous, c'est normal. Ça étonne tes potos les suspects. Qui touchent pas une bille, qui touchent pas une chatte. J'sais qu'il est temps de baiser des mères dans le peurage. J'suis bouillant, ça m'étonne, tu veux l'enfer sale. Sera ta boca, c'est des dents, tu fais la pute, ça sera. J'ai la dalle, ils m'attendent, j'suis dans les airs Goldoras. Vol de Ritech 9 en attaque. C'est pour ceux qui ont semé la patte. En booster, en max, t'es ou en smart. T'assumes pas la rafale à plus tard. Tu connais le boulot Rasta. Dieu merci, j'fais pas la star. Fallait qu'on aille au bon char en évitant de finir au stade. 19 que nous connaît man, y'a des hommes dans l'RSK. Fighter, faible et kawatt. On est chaud, on est plein, on est d'art. Putain d'enfoiré. 7-5 VALD, DSP, PCH, la tout qui paie, il semble la grande borne, et qu'un crime est criminel. Bye! J'ai des beats forts, ça m'étonne, ma rythmique c'est la bonne, mon Zulu. J'suis tombé dedans depuis l'école, poser des bombes sous alcool, mon Zulu. C'est bon, j'prends des thunes, brolic, bénef sous la plume. Boulette, placard, on assume, ticap, salope, j'fais la une. Tenez les bails, on va faire sale pute. On a fait des love et mec parce qu'on le voulait. Hoche dans la musique, on est ouf dans le stup. Bientôt dans les bacs, on va le vendre sale poulet. C'est bon, j'prends les thunes. Brolic, bénef sous la plume. Poulette, placard, on assume. Dicap, salope, j'fais la lune. J'roule avec ma bande. J'roule avec mon gang. J'roule avec ma bande. J'roule avec mon gang. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de failles, ma gueule. Planète rap. 100% rap français.

violence mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonnier des ennemis de la clémence. Architecte de la destruction, maçon de l'horreur, cultivateur d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur. Tire sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongé dans l'excès, noyé dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous la prêche. T'es la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises planquées dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même. Un feu à sang, derrière les couleurs du drapeau, se cachent ses ennemis de la nation. Sonneurs de troubles, fourbes névrosés, cracheurs de venin au cœur sclérosé, raciste décomplexé qui conceptualise la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé. Y a même pas 100 ans, l'impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués, lorsque les musulmans seront brusqués, exécutés pour leur choix. Lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin. Et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutal est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence, empli de compassion quand la terreur nous assiège. On a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière, à peine maquillée. Ambition pécuniaire sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, puis silence injustifié. Utilisation vulgaire du concept de liberté pour la survie des vôtres. Est-ce que la mort des autres est vitale? Des frappes chirurgicales à bon sur un hôpital. Comment condamner ici tout en finançant là-bas? Nous sommes otages de vos jeux de pouvoir que vous faites passer pour des combats. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine. Les prétendus droits sont humains. Chaque jour ils les piétinent, soutiennent ceux qui les combattent, combattent ceux qu'ils soutiennent. Démagogues, bureaucrates, politiques schizophrènes. La haine nous colle comme une ombre. Depuis que les faucons tirent sur les colombes, je sais encore de me montrer aimant. Un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang. Nos désirs de paix à chaque contre-courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, on voit rarement fleurir les rochers. La paix n'est qu'un cessez-le-feu, car certains rient de ce qui nous émeut, pendant que les fous taillent des innocents. Je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus de choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble. Vivre ou mourir ensemble, c'est le nom de ce morceau de Kerry James. Allez mater le clip, il est dispo depuis tout à l'heure. Kerry, comme d'hab. Merci Kerry James. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ça c'est la sista Kylie, compte à rebours maintenant. Grosse dédicace à Kylie à l'écoute de la nocturne 100% rap français. Ok, j'amorce le titre, soldat du 9-3. De là où la débrouille nous a tous forgés sur le tas. Règlement de compte, je t'invite, te conte mon histoire. Gentil n'a qu'un œil, méfie-toi ton entourage. La sincérité se fait rare dans nos jours. Paraît que la vantardise, la chute et corde au cou. Nos journées sont les mêmes, rien qu'on se tourne autour. Miroir, miroir, qui sont donc ces vôtres? Un coup de cœur inopiné, motivé, j'ai su l'aiguiser. Dès que c'était par centaines griffonnées, à 12 balais, je pliais, je freestylais. J'arrachais tout, ouais, sur Sky, près de jam, j'entamais mon parcours. Un pied dans le rap, l'autre dans les cours. Pas de prise de tête, rien qu'on se défoule. Ouais, le rap avant, c'était archi lourd. Loin de toute tactique et plan fourbe. Juste un mic, un morceau, une foule. Tu me trouves bien, cap, t'inquiète, j'ai mon double. Aubervilliers, tu connais les tours. Je suis sceptique, ton regard pas très court. Toi, je reviens de loin comme ta source. Moi, tu crois qu'on joue, mais t'es fou, toi. 93, 93. Alors je m'accroche, bon j'y crois, du flow qui tue à mise en cas. Première mixtape, qui l'aurait cru, c'est la qualité. Premier planète rap 93, corde à mon arc, je persévère, seul dans mon arc. Ma famille pour unique arme, d'où je viens, mon ghetto lui a son charme. Merci à Kim, Fred Musa, Nabilia, c'est ceux qui sont là. Au vrai passionné par le peu rap, comme Goldfinger présente puis Eya. Et ouais je suis là, puis toujours, 213, on en veut des tours. De quoi te faire prendre tes jambes à ton cou, Kylie, j'apprécie tous vos discours. Les petites sœurs swag et Zanotti, poussez-vous que je bombe. Diplôme en poche, maman ravie. Quatre de ligne comme d'un passionné sans aucune limite. En provenance du 9-3, c'est le rap, c'est qui est des chimiques. Bah, j'en suis la trône, pas sur moi que je t'invite dans ma ville. Bienvenido aquí. Depuis tout petit, d'humeur fébrile. Les sommets, les gravites. Visionnaire, je parle en Qatari. C'est la folie, folie. Tu me dis musique, je te réponds hit. À Salé, à Iggy. 93. C'est la nocturne 100% rap français. Allez, SCH, c'est invité cette semaine dans Planète Rap. Gros Planète Rap SCH. On va faire un tour sur la 7. Pour ceux qui sont sur la 7, mettez fort, c'est pour vous le son. Et pour tous les autres, SCH. Je recherche mes limites. Là, je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul, t'en as muré. Je peux pas perdre une minute, poutons laisse remplir la mallette. Ceux qui prieront leur dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. Papa recherche en lui un gosse mort à la buvette. Le téflon va comme un gant, je le porte comme le recul de Michael dans Billet. Je peux pas perdre une minute, bouton laisse remplir la mallette. On a la bite dure, la tête dure, c'est pas le net qui va nous Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé. Je suis ni flic ni pédé. On s'en ira, ils nous ont ni aimé ni aidé. 45 AMG au volant, que des totes et gilets traits. Je viens les tuer de près, dehors j'y étais, autant hiver été. On t'applaudira jamais, j'ai sorti mon CD. Rappelle-toi pour te mettre tout l'espoir qu'on y mettait. Pour te mettre. Et si tout le monde veut mourir riche pour se payer le plaisir de partir en paix. Mourir riche. On finira du plomb plein la tasse, si mon pognon jamais tu nous verras ramper. Brune, masse, pute, caline, bac. Chiche, cocaïne, larmes, chiffres, grand calibre. En vraie guerre, père, plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne. Arme, crime, botanique, anarchie. Mac, les mineurs sont vifs. Au frais de père et mère, insolvable. Insolvable. Insolvable. Ils ont connu la crise. Les mineurs sont vifs. Au frais de père et mère, insolvable. Stop d'être intérimaire, insortable.

100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. No, la nocturne, 100% rap français. Bakil, illégal dans la nocturne sur Skyrock maintenant. Ok les gros, j'arrive dans le game, je suis vénère. À part le seul, l'unique personne, je vénère. J'arrive des terres, bateau pirate de berbère. Mes négros sombres assurent toujours mes arrières. On fait la guerre avec une haine césarienne. J'étends ma tente sur les jeux plats de Cayenne. Femme difficile me plaît tant qu'elle est pas mienne. Baby tu me plais, pose ton gros boule dans le Cayenne. Le rap je l'enfante, mon buzz naîtra par césarienne. Même si tu le sais, de loin je dépasse la moyenne. Restez au check, t'as fait les pecs et je vous laisse à IEM. Course impossible, je suis en proto, vous êtes à IEM. Illégal, réussite, on m'attend. Ils connaissent quoi, des quartiers sont. La ville est bâtie sur des tons. Sous les balles, on grandit, combattant. Tous plongés dans la pénombre. Chez nous, pour du bif, les cartons. Prépare ta valise, les outils nettoyés. 30 millions d'ennemis ne font qu'aboyer. Y'a boum nettoyé, je m'occupe de rapper. T'inquiète pas, ils ont tous un flot venu des toilettes. Balafré à vivre sur les photos de profil. Le crime on connaît, donc le papier aussi. En route vers le sommet, mon porte-monnaie grossit. Futuro y Valentino Rossi. Sans rancune, j'arrache le bitume. Bicra prend des thunes dans la rue et iTunes. Je les ken sans lacune, je vise plus haut que la lune. Je fais la one, toi la une, mes démons m'importune. Violet, jeune, marron, bleu. J'ai le sourire en parlant d'eux. Parlons cash, mais parlons peu. Parle pas noache, tu feras pas long feu. Illégal, réussite, on m'attend. Ils connaissent quoi, des quartiers sombres. La ville est bâtie sur des tombes. Sous les balles, on grandit, combattant. Tous plongés dans la pénombre. Chez nous pour du bif les cartons. Illégal, réussite, on m'attend. Ils connaissent quoi, des quartiers sombres. Ma ville est bâtie sur des tombes. Illégal, tous plongés dans la pénombre. Chez nous pour du bif les cartons. Illégal, Bakil, illégal dans la nocturne. 100% rap français et PNL. Grosse dédicace à PNL. Allez mater le clip. Tempête. Le morceau, on le passe maintenant. Planète Rap. 100% rap français. J'ai gentiment. Quoi pas chez t'en attends la villa. Les démons me chuchotent Marilla. Mon carré une tirelire toujours en manque de billets. J'voulais juste être riche Hugo, j'voulais pas briller. Billet de 500, j'refais pas piller. Papa m'a dit mon fils t'en fais pas c'est des pétés. Seront jamais ce que j'ai été. Seront jamais qui j'ai été. Alors j'fais le tour de la ville. J'rêve de la tonne, j'fais le kill. J'suis tous les jours sur le grill. Pendant que mon étoile défile. Rien d'exceptionnel, ça recommence sur R. Se croise plus sur terre, l'enfer, on terminera la guerre. Ego j'ai la dalle et ma haine m'ouvre l'appétit. On a grandi à poil avec le M sur la tétine. Caresse du temps qui passe pour m'adoucir. Changer de vie maintenant, ego c'est pas possible. J'peux pas m'endormir. sans demander pardon. J'fais plein de souvenirs, j'retourne au charbon. Derrière, je le mets en poster. J'passe au vert comme dans les rues trop terre. J'suis sur Titan, j'ai plus les pieds sur terre. Ico, c'est le sou que je les vois j'nouffer, sniffer. So white, speaker. Oh, water. Je les vois arriver comme des morts vivants. S'enfonce dans la détro, ça qui frange pas le ciné. J'course le bonheur, j'suis comme Titan. Et le gros miné, j'suis à l'hôtel, j'pas resto, j'pas au ciné. Aux arrivants, aux allumés, j'ramasse mes. J'dis à la madone, ce que j'te ferai, j'peux pas le dessiner. J'ai la barre, mauvais garçon, laissez passer. J'tourne le dos à ces putes, c'est la base. J'sors de Fleury, y'a le pétard, j'fais mes lacets. PNL, PNL. On attend la suite pour PNL. Planète Rap. Hamza, hola que pasa dans la nocturne, 100% rap français, avant d'attaquer la session classique. Ouh. Yeah. Hola que pasa. Hello. Hola que pasa. Hola que pasa. Hola que pasa. Hello. Hola que pasa. Hola que pasa. Hola que pasa. Hola que pasa. Hola que pasa. Hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa, hola que pasa. Dans ta putain d'amitié, comme les chats de ces bitches. J'ai beau chercher mort, fuck que t'abuses, résume à snitcher. J'ai gros, c'est pas compliqué. Jamais je repars sans ticket. J'aime bien baiser, j'aime bien teaser. J'aime pas chercher mon briquet. Le piège a encerclé le piège. Les junkies sont skinny de dingue. J'ai Louis Gucci que je me fringue. Ramène des soucis que je te flingue. Sur le rein tu travailles comme une machine. Hello que passe à le package. Joue pas les traîtres et les paiements tardifs. On vient en baisse toutes les meufs de ta vie. 2-3 business, encore 2-3 business. Toi qui a les coches, je en 2-3 vitesses. Hello que passe à rejoindre-moi au bloc. Les voyous de chez toi on les envoie au shop. 2-3 business, encore 2-3 business. Je lui vends de la drogue, est-ce qu'on répond si merde. Hello que passe à le pack arrive. Pull up sur vous comme un météo. Hola que passe. Hello. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hello. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. Hola que passe. J'suis un petit jam dans le zoo. Putain il fait noir même le jour. J'ai ta bitch avec moi donc c'est cool.